السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant qui ne peut être empêché, le tout-puissant subhanahu wa ta'ala qui ne peut être vaincu. Il est Al-Hakim, le tout-sage, dont personne ne peut contester la sagesse. Tout l'univers est entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, et les gens sont soumis à son autorité. Il fait ce qu'il veut et juge comme il le souhaite, subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut empêcher ce qu'il donne, ni accorder ce qu'il retient. La soirée du 8 septembre 2023 restera à jamais gravée dans ma mémoire, réveillée en sursaut par des bruits assourdissants. Tout l'immeuble a été secoué par des vibrations d'une force inouïe, faisant trembler les murs comme s'ils allaient basculer. À ce moment précis, un sentiment d'impuissance totale m'a envahi, et ma réaction instinctive a été de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le takbir et le tahlil. Je n'avais d'autre choix à ce moment précis que d'endurer et d'attendre que ce qui avait été prédestiné se réalise. C'était ma première expérience d'un tremblement de terre, et celui-ci était incroyablement puissant. J'avais l'impression d'être dans un château de cartes vacillant sur le point de s'effondrer. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'a préservé ce soir-là et m'a permis de quitter l'immeuble sain et sauf, sans réel dégât matériel, walillahi alhamd, mais je ne cesse de penser et d'invoquer en faveur des habitants de ces villages qui sont proches de l'épicentre, des villages qui ont été complètement détruits, privant leurs survivants de toit, d'eau et d'électricité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, qu'il soulage leur détresse, panse leurs plaies, accorde la guérison aux blessés et accorde son pardon et sa miséricorde aux nombreuses victimes. Les séismes font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. En quelques instants, ils peuvent ébranler d'immenses étendues de terre et les précipiter vers leur destruction. Aucune puissance sur terre, aussi colossale soit-elle, ne peut les empêcher ou les repousser. Ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des messages puissants destinés aux insouciants. Ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont un ultimatum pour ceux qui ont négligé leur devoir envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel pour ceux qui ont fait de cette vie d'ici-bas et de ses richesses leur principale préoccupation et leur objectif ultime. Éblouis par les plaisirs de la vie mondaine, ils pensent que le succès réside dans l'accumulation des richesses, que le bonheur se trouve dans la satisfaction de tous leurs désirs, que le pouvoir se mesure à la notoriété sur les réseaux sociaux ou au nombre de followers. La réalité de cette vie d'ici-bas, la réalité de cette vie trompeuse est bien différente. Sa beauté n'est qu'éphémère. Cette vie d'ici-bas apporte à la fois joie et tristesse, tranquillité et souci. En quelques secondes de cette vie terrestre, l'on peut passer de la vie à la mort, de la richesse à la pauvreté, du bonheur au malheur, de l'enfance à l'orphelinat, de la vie conjugale à la vie de veuvage, de la bonne santé à la maladie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis, ô Allah, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu retires le pouvoir à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu avilis qui tu veux. Le bien est dans ta main et tu es capable de toute chose. Lorsque tu te trouves piégé chez toi, secoué par des tremblements d'une violence inimaginable, mettant en péril ce que tu as mis des années à bâtir, à ce moment-là, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut être ton sauveur. Sois certain que ni ton argent, ni ta renommée, ni ton pouvoir, ni tes suiveurs ne pourront te secourir. Alors pourquoi n'adores-tu pas Allah comme il te le demande? Pourquoi lui désobéis-tu alors qu'il t'a mis en garde? Et pourquoi t'attaches-tu tant à cette vie terrestre qui est aussi fragile qu'une toile d'araignée? La véritable demeure est celle de l'au-delà, la demeure éternelle, celle qui ne trompe pas, celle qui ne chancelle pas, celle qui ne te réserve aucune mauvaise surprise, celle pour laquelle ton investissement ne peut être que fructueux, celle où tu découvriras ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que ton ouïe n'a jamais perçu, ce que ton cœur n'a jamais ressenti et ce qui n'a jamais traversé ton esprit. Les tremblements de terre sont des signes évidents d'Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, à travers lesquels il suscite la crainte de ses serviteurs, afin qu'ils reviennent repentants vers lui. Il dit Azza wa Jal, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nous n'envoyons de signes que pour susciter la crainte. Quand la terre tremble sous nos pieds, que les secousses font osciller murs et fondations, la peur et l'angoisse nous envahissent, tout en sachant que cela a été la cause du châtiment et de l'extinction de certaines sociétés. Celui qui médite et réfléchit aux textes qui évoquent les tremblements de terre dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendra compte que l'une de leurs leçons est la mise en garde du Seigneur de tous les mondes. Allah subhanahu wa ta'ala a détruit des peuples par des tremblements de terre. Il a dit en parlant du peuple de Shu'aib et de Salih alayhim as-salam, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Un cataclysme dont un tremblement de terre les saisit et tous gisaient ensuite dans leur demeure face contre terre. Les tremblements de terre nous rappellent avec force un bienfait primordial dont nous jouissons à chaque instant et pour lequel, malheureusement, nous ne prêtons pas attention. C'est le bienfait de vivre sur une terre ferme et stable. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a » C'est Allah qui a fait pour vous de la terre un lieu d'établissement et du ciel un toit. Et il dit Azza wa Jal « Amman ja'ala l'arda qarara » وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Qui a fait de la terre un lieu d'établissement, qui l'a sillonné de rivières et y a placé des montagnes fermement ancrées, ainsi qu'une barrière entre les deux mers? Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah, c'est-à-dire réalisant cela et méritant l'adoration? Et il dit Azza wa Jal, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Par Allah, nous vous avons établi sur terre et vous y avons accordé de quoi vivre, mais vous êtes peu reconnaissants. Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit en parlant de ce bienfait de vivre à la surface d'une terre stable, il dit rahimahullah, une terre stable ne vacillant ni ne se mouvant avec ses habitants, ni ne tremblant sous eux, car s'il en était ainsi, la vie n'y serait pas paisible. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de cette terre comme un tapis solide qui ne tremble pas ni ne se déplace. Les tremblements de terre et les séismes peuvent être des épreuves à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala absout les péchés de ses serviteurs et élève leur degré. Il dit Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Par Allah, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes, mais fais la bonne annonce aux patients. Les tremblements de terre peuvent être également un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait abattre sur les désobéissants. Il dit Azza wa Jal, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez commis comme péché, et il en pardonne beaucoup. Il dit Azza wa Jal, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. La corruption est apparue en terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché, afin qu'Allah leur fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis et afin qu'ils reviennent. Il dit Azza wa Jal, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Êtes-vous à l'abri du fait que celui qui est au ciel vous fasse engloutir par la terre qui se met alors à trembler? Les tremblements de terre, mes frères et sœurs, doivent nous rappeler et susciter en nous la crainte de l'effrayant et gigantesque tremblement de terre qui secouera la terre lors de l'arrivée de l'heure. Il dit Azza wa Jal, إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةِ خَافِضَةٌ رَافِعَةِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا. Lorsque le jour inéluctable surviendra et son avènement inexorable, il abaissera les uns et élèvera les autres. Lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées et réduites en poussière éparse. Un tremblement immense dont Allah Azza wa Jal nous parle dans Sourate Al-Muzzammil. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Le jour où trembleront la terre et les montagnes qui seront réduites à des dunes de sable mouvant. Si les tremblements de terre suscitent autant d'émoi, autant d'effroi, de peur, de scènes d'apocalypse et de destruction, que dire de ce tremblement phénoménal qui précédera l'heure? Car ce jour-là, ce n'est pas une infime partie de la terre qui sera secouée, mais bel et bien la terre dans son entièreté. Aucune parcelle n'en sera épargnée. Il dit Azza wa Jal, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Lorsque la terre sera secouée par le plus violent séisme qui annoncera l'avènement de l'heure, que la terre rejettera les fardeaux qu'elle porte en elle, à savoir les morts et les métaux précieux, et que l'homme dira « qu'a-t-elle ?» Et dans les effrayants versets de Sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte et exhorte l'ensemble de l'humanité en disant Azza wa Jal, Ya ayyuha an-nas ittaqoo rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhab Allah shadid. Ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédant l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. La multiplication des séismes et tremblements de terre est un signe de l'arrivée de l'heure, comme l'a informé le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqoumu sa'a hatta yuqbada al-ilmu wa takthura al-zalazil » Al-Hadith. L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que la science soit ôtée et que les tremblements de terre se multiplient. Les séismes montrent la grandeur du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est capable de tout, Azza wa Jal. Et lorsqu'il désire une chose, il dit simplement « soit » et cela devient. Allah Azza wa Jal dit « قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ » Dis au Muhammad, il a le pouvoir, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, de vous frapper d'un châtiment qui descendra du ciel ou surgira dessous vos pieds. Allahu Akbar. Il est recommandé, lorsqu'il y a des tremblements de terre et d'autres signes puissants, de faire preuve d'humilité devant la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est recommandé, en ces moments, de se repentir à Allah Azza wa Jal, de cesser de commettre des péchés, de demander et de proclamer et d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer avec insistance par la prière, par les adhkar, par la charité et par d'autres moyens et invocations et adorations par lesquels le châtiment et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala peuvent être évités. Allah azza wa jal dit, en parlant de peuple qu'il a châtié, فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque survient notre châtiment, mais leur cœur s'était endurci et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Allah subhanahu wa ta'ala montre donc à ses serviteurs des signes pour qu'ils réfléchissent et se repentent. Ainsi, le bienheureux est celui qui se réveille, prend conscience et se repent, tandis que le malheureux est celui qui néglige ces signes et persiste dans le péché sans tirer profit des avertissements. Allah Azza wa Jal a averti ceux qui n'apprennent pas des épreuves et pour qui les calamités n'ont pas d'effet pour les pousser à se repentir de leurs péchés. Il les a avertis, subhanahu wa ta'ala, qu'il les attirera par ses bienfaits, puis les saisira soudainement et les frappera durement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et je terminerai par ce verset, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. Par Allah, nous avons envoyé des messagers aux communautés avant toi. Nous les avons frappés par la misère et la maladie, afin qu'ils nous implorent. Si seulement elles nous avaient imploré lorsque survint notre châtiment, mais les cœurs s'étaient endurcis, et Satan leur avait enjolivé leurs agissements. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes de ce bas monde. Et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisissâmes soudainement, les laissant totalement désespérés. Et pour terminer, j'appelle ma personne et vous-même à faire preuve de solidarité et de générosité afin de venir en aide aux sinistrés de ce séisme, car les besoins sont réels, mais ils sont surtout colossaux. Aidez comme vous le pouvez, en apportant votre aide financière, votre aide physique, votre aide logistique. Aidez-les par des dons de sang et par des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Allahumma arham da'fana, wajbur kasrana, wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha, wa ruddana ilayka raddan jamila, ya dhal jalali wal ikram. اللهم ارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لطفك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'avoir pitié de nous et de ne pas nous prendre de par les péchés que l'on commet. On demande à Allah Azza wa Jal